va si le ciel devient gris, sans trop savoir pourquoi. Oubliez vos ennuis et faites comme moi. Amis ne sont plus là quand vous avez tant besoin d'eux. Ne vous énervez pas, chantez d'un air joyeux. Shabadabadabababa. Quand il fait froid dans votre appartement, si vous manquez de bois, serrez plus fort les dents. Comme moi, wow. Si votre poche n'est qu'un désert complet, et si votre sacoche n'est qu'un panier percé, où l'argent s'effiloche, wow. Si le grand amour dont vous rêviez, s'il vous a filé entre les doigts, prochaine fois, shabadabadabababa. Si rien ne va, si le ciel devient gris, sans trop savoir pourquoi, oubliez vos ennuis et faites comme moi.